Bonjour chers auditeurs de Dice & Click, bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jordi et j'ai le plaisir d'inaugurer cette rubrique. Pour ce blind test, intitulé Petit poisson, gros pêcheur, j'ai choisi un jeu de rôle que j'ai découvert récemment dans un univers contemporain et dont le pitch m'a paru original. Le système de jeu utilisé est celui de Chronicle of Darkness 2ème édition. Je sais que j'ai affaire à des petits malins qui vont essayer de comprendre avant l'heure dans quel univers je souhaite les amener. Parano, peut-être, mais au moins je mets toutes les chances de mon côté. J'ai donc demandé aux joueurs de construire deux backgrounds avec une série de questions que j'ai préparées. Le premier background pour le personnage qu'ils vont jouer, et le deuxième pour un personnage mort à New York, lieu de l'action de cette aventure, dont l'intérêt n'est pas expliqué au départ. Mystérieux ? J'espère bien. Les réponses m'ont permis de gérer des aspects propres à l'univers, ou d'étoffer le scénario en incluant des personnages et événements tirés de leur background. Je ne souhaite pas vous en dire plus, chers auditeurs, sur le jeu de rôle choisi, afin que vous ayez vous-même le plaisir de la découverte. L'idée est de faire cette découverte en deux actes. Le premier acte verra petit à petit les personnages s'immerger dans l'univers particulier de ce jeu de rôle. Le deuxième acte les fera vivre après leur confrontation avec la particularité de l'univers visité. J'espère que vous apprécierez cette façon de découvrir un univers et je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à poster tout commentaire constructif sur cette rubrique que nous espérons vous proposer régulièrement à l'avenir. Il vous est fortement conseillé d'écouter les épisodes précédents, dont l'épisode de background des personnages et l'épisode d'introduction. Bien, donc de retour sur Petit Poisson, Gros Pêcheur. Tout à fait. Avec nos quatre joueurs. Gros Bax qui joue Alistair, Malouin qui joue Harvey, Riley qui joue Nikki et Valkan qui joue Ellis. Donc nous commençons l'acte 2. Nous avons fini l'acte 1 qui s'appelait Arrivée Ultime et nous commençons l'acte 2 qui s'appelle Les Accointances Périlleuses. Nikki, nous allons commencer par toi. Okay. Tu te réveilles, tu es donc trempé, hein, comme tout, mais tu es néanmoins sur le bitume. Tu vois et tu reconnais plus ou moins Lucie que tu connais déjà. Oui. Donc tu vois Lucie qui te fait du bouche à bouche, un massage cardiaque. Tu finis par octer assez fortement et recracher de l'eau. Tu te mets sur le côté, tu recraches l'eau qui était dans tes poumons. Et donc elle te parle. Nicole, les secours arrivent bientôt. Je dois vous laisser voir ce qui se passe là-dedans. Ne bougez pas. Parce que tu es bien sûr à l'extérieur de l'entrepôt. Mais je vois l'entrepôt quand même. Alors tu peux l'apercevoir, oui, mais tu es très très faible et pour l'instant tu ne sauras pas, tu ne sauras pas bouger. Ok, j'essaie de tendre le bras vers Lucie, mais j'y arrive pas. Ouais, elle te serre la main une petite seconde avant de te laisser en te rassurant une dernière fois. Ok, je me souviens de tout ce que j'ai vu, tout ce que Tyler m'a dit. De tout. Je me souviens de tout. Est-ce que je vois les autres autour de moi ? Non, tu vois personne d'autre autour de toi à part Tyler. Tyler Ramos, que tu peux apercevoir un peu. Oui, il est là. Ah, il est là. Okay. Et tu tombes dans une espèce de semi-inconscience comateuse. Tu te réveilles un peu, puis tu repars. Enfin, tu vois, c'est très, très flou tout ça. Ellis, donc toi, tu te réveilles également. Mm-hmm. Et tu vois donc une jeune femme penchée sur toi. Mm-hmm. Pour rappel, hein, c'est celle qui est au centre de la page sur Roll20. On ne l'a pas oublié. Ah si, moi j'ai complètement oublié. Comment l'oublier ? Je suis extrêmement vexé que tu l'aies oublié, effectivement. Par contre, qui est le mec avec une épée géante ? J'ai oublié. C'est Alistair. C'est Alistair, ça. Oh, merde. Mais t'as une épée comme ça ? Ça, j'avais pas oublié. Alors, ils se battent pas forcément tout le temps avec. Ok. J'ai jamais vu ta grosse épée, je crois, Alistair. C'est parce qu'elle est rangée. Non, bouf. Ah oui, d'accord. Et il regrette peut-être de ne pas l'avoir amené la dernière fois. Tout à fait. Donc, Ellis, tu te réveilles, tu vois cette jeune fille cette jeune femme penchée sur toi. Elle serre des pansements de fortune autour de toi. Tu n'arrives pas trop à voir ce que c'est, l'espèce de bandage sur tes plaies, en fait. Mm-hmm. Et donc, elle te dit : Je m'appelle Lucie, ne bougez pas, monsieur, les secours arrivent. Et donc, elle serre assez fort ses bandages. Alors, c'est assez bizarre, il y a des espèces de. Quel acteur. Une espèce de boucle métallique. Ça te fait penser à des espèces de bandages qu'on peut utiliser dans des positions SM ou dans du bondage, des trucs un peu comme ça. Évidemment. Mmh. Et donc, pareil que Nikki, hein, tu retombes dans une espèce de. Enfin, voilà, tu peux être conscient quelques instants, tu retombes un peu dans le pâté pendant quelques minutes, etc. Et tu peux également apercevoir. Comment il s'appelle, Jerry, c'est ça ? Oui, ton fantôme, ton ghost. ton Geist, hein, qui ne te quittera plus. Harvey, tu te réveilles également, et tu vois évidemment la même Lucie qui te rassure également et qui pense tes plaies de son mieux. Elle utilise également ces espèces de bandages. Donc elle te parle également. Les secours sont en route. Gardez votre calme et ne bougez pas. Et donc tu entends d'ailleurs des sirènes au loin qui se rapprochent. Vous pouvez tous entendre quelque part. Alistair, donc toi, tu te réveilles également et tu vois Lucie penchée sur toi en pleurs. Ses lèvres bougent, mais tu n'entends pas ce qu'elle te dit. Alors que tu t'enfonces à nouveau dans l'inconscience, en fait, tu vois qu'elle continue le massage et le bouche à bouche. Quelques minutes plus tard, hein, la caméra recule un petit peu, donc on est dans la rue adjacente à l'entrepôt, et la rue qui mène également au Doherty's Lair, hein, le pub dans lequel vous étiez allé. On peut voir des badauds sortir du bar pour regarder ce qui se passe. En fait, les secours ont monté une espèce de zone de soins, une espèce de tente. Enfin, ils sont en train de monter une tente autour de vous, en attendant de pouvoir vous bouger. C'est ce que vous comprenez. Le fait que vous soyez réveillé, enfin que vous ayez eu des premiers secours. On est réunis là, du coup. Vous êtes réunis sur des espèces de brancards, les uns un peu plus ou moins à côté des autres. Enfin, si vous vous tournez un peu, vous pouvez. Ah d'accord. Toujours inconscient ? Alors non, plus ou moins conscient. Et comment on voit ça ? On fait une sortie de corps, c'est... on voit ça de l'extérieur ? Non, du tout, non. Là, c'est juste pour décrire la scène globale, que vous apercevez pas complètement, mais voilà, c'est ce qui est autour de vous. D'accord. Les secours sont là, il y a une ellipse en fait, c'est pas... Exactement. Okay. Les secours sont là, ils vous ont déplacé dans la rue, vous ont réuni, ils sont en train de monter une espèce de tente autour de vous, et en fait, vous comprenez des discussions autour de vous qui font ça parce que ils vous déplacent pas immédiatement parce que Lucie vous a fait les premiers soins et vous a réussi à vous réveiller. Alors, eux ne savent pas forcément que vous êtes mort. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez voir également quelques badauds qui regardent pendant que la tente se monte autour de vous. Vous apercevez également Karl, qui est là, Karl Reiner. Le mec à la capuche. Tout à fait. Et nos guests sont dans la tente avec nous, alors, aussi ? Vous pouvez les voir, effectivement. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous regardent, ils patientent. Qu'est-ce qu'il fait, Tyler ? Ouais, j'essaye de lui faire coucou. Il te rend ton coucou. Il te tend un pouce en l'air, genre go champ, tu vois. Je lui fais signe d'approcher. D'approcher ? D'approcher de moi, ouais, parce que je peux pas bouger, j'imagine, ou pas beaucoup. Non, oui, vous êtes... De la main, je lui fais un geste, mais genre, viens, quoi. Donc, il y a un secouriste qui s'approche également, puis lui aussi. Ok. Il s'approche, Tyler ? Ouais. Je peux lui parler, du coup ? Je peux essayer de lui parler ? Tu peux lui parler. Après, le secouriste va te répondre aussi, certainement. Et qu'est-ce que tu fais là ? J'essaie de vous sauver, madame. Oui, non, pas vous, le monsieur. Et donc, Tyler te fait signe de chute et te fait un petit clin d'œil. Ok. Vous allez tous me faire un petit jet d'astuce plus composure. Wits plus composure, s'il vous plaît. Wits plus composure. C'est-à-dire en français ? Astuce plus calme. Astuce plus calme. Merci. Excusez-moi, je suis bilingue. Zéro succès, punaise. J'ai lancé, mais je vois rien qui s'affiche. C'est sur le chat ? Ah oui ? Ah, mais il n'y a rien qui s'affiche, effectivement. On peut dire que tu n'as rien lancé. Donc. Ah ouais. Donc, zéro succès pour Nikki, un succès pour Alistair, et nous attendons avec impatience le résultat d'Harvey et d'Elise. Harvey, il a lancé 0D, par contre. Ah oui, c'est ça. Du coup, sans surprise, avec 0D, t'as zéro succès, quoi. T'as 0 points ? Mais t'as vraiment 0, là ? Ah ben voilà. Mais non, c'est pas que j'ai 0. Mais non, il peut pas avoir 0, c'est pas possible. Oui, c'est bizarre, oui. Donc, tous ceux qui font des succès, c'est-à-dire tout le monde sauf Nikki, super. Vous constatez qu'un des secouristes, en fait, qui est en train de monter la tente, vous paraît, c'est clair pour vous, cet homme est malade. Et il est malade, il a quelque chose, une maladie assez grave. Toi, Harvey, tu vois même, avant que ce soit masqué par la tente, par l'érection de la tente, tu vois même un badaud qui manifestement s'est blessé aujourd'hui ou hier. C'est clair pour toi, il n'a pas toute sa santé, quoi. Donc en fait vous gagnez la possibilité de savoir dans quel état de santé se trouvent les êtres autour de vous. Okay. Donc c'est une action réflexe que vous pouvez demander et qui vous réclame juste un jet d'astuce plus calme. Mmh. Et on le perçoit comment ? On le sait, on le voit, vous le savez. Alors après, ça peut prendre la forme que vous souhaitez. Ça peut être une couleur d'aura, ça peut être une jauge de vie au-dessus de la tête du mec. J'ai pas de blocage là-dessus. Mais vous le savez, en tout cas, voilà. Du coup, faut quand même que vous, enfin, pas que vous concentriez, mais que vous vous posiez la question quelque part. Enfin voilà, c'est pas. Mais vous détectez l'état de santé des gens autour de vous, des êtres vivants autour de vous. Donc vous voyez que Karl en fait discute avec les secours et leur dit qu'en gros, pour l'instant, il faut pas vous bouger. En tout cas, le temps qu'ils montent la tente et qu'ils puissent vous parler. Et vous vous apercevez également parmi les badauds, mais pas parmi les badauds d'ailleurs, plus proche des badauds, juste à l'extérieur de la tente en fait, vous apercevez Lucie dont le regard est tourné évidemment vers vous. Vous pouvez faire un jet de perception d'ailleurs à ce niveau-là. Perception, c'est astuce plus calme. Perception, c'est addition de deux valeurs. Sont astuce plus calme. Qui est effectivement astuce plus calme. Ah. Oh. Oh, sa mère. Toi, Hyster, tu vois tout. Tu es partout. Je suis l'œil de Sauron. Six succès, c'est pas mal. Six succès, ouais, Alistair. Bon, donc nous verrons plus tard ce qu'est l'histoire. Ah, deux succès. Donc tous les trois, sauf Alistair, vous voyez effectivement le regard de Lucie tourné vers vous. Donc toi, Nicole, tu la connais, les deux autres, vous reconnaissez celle qui vous a fait les premiers soins, et même plus que ça, puisque vous saviez que vous étiez mort et vous savez que vous êtes maintenant en vie, donc c'est même elle qui vous a tout simplement rendu la vie. Et donc toi, Alistair, tu vois... c'est pas qu'elle vous regarde, c'est qu'elle te regarde toi. Très précisément, c'est extrêmement clair. D'accord. Ce que vous voyez aussi, donc je vais pas spécialement lié à ce jet de perception, parce que c'est très clair, vous voyez une bonne quinzaine de fantômes au-delà de vos propres geists. Hein. Donc, quand je parlerai vraiment de vos fantômes, je parlerai de geists, et quand je parle de fantômes, ce sont d'autres fantômes. Ce sera plus clair. Donc vous voyez une bonne quinzaine de fantômes autour de vous. Alors, ces fantômes font soit vagues, ont l'air de discuter, soit entre eux, soit avec des gens qui sont même pas là, vous regardent certains. Il y en a beaucoup qui sont mutilés, d'autres qui ont des vêtements qui sont manifestement passés d'âge. Vous voyez certains qui passent à travers des véhicules ou des personnes. Enfin voilà, c'est très clairement des fantômes. Même sans ça, de toute façon, c'est très clairement des fantômes pour vous. C'est une évidence. Il n'y a pas de... Voilà. Donc Lucie, pour toi Nicole, c'est tu la connais puisqu'elle travaille dans ton hôtel, puisqu'elle ah oui, elle est un peu call girl, un peu dominatrice. Ah oui, elle travaille dans ce... elle fait partie de ces employés là. Dominatrice SM, et elle travaille effectivement dans régulièrement à ton hôtel, et donc tu la connais, tu as une certaine forme d'amitié avec elle. Je rajoute à mon background alors, parce que c'est... Elle l'est dans ton background. Lucie. Tout à fait. C'est ça que c'était un hôtel sérieux. Non, bon, non. T'es pas venu encore, Harvey, il faut que tu fasses... Tu viens de faire un petit tour. J'avoue, je m'attendais pas à ça comme hôtel. Mais c'est pas que ça, mais vous êtes pas venu. C'est pour les arrondir les fins de mois. Uh-huh. En fait, elle se fait appeler Looney. Ah, d'accord. C'est peut-être pour ça que tu... Voilà. Ginger, Crystal, ou récemment Looney, mais d'accord. Looney, c'est son nom de scène. D'accord, ok. Donc, je rajoute que c'est lui. D'accord. Désolé, effectivement. J'ai tendance maintenant à dire Lucie, alors qu'effectivement, elle se fait appeler Looney. Parce que je la trouvais pas, je devenais fou. Ok. Mais je suis désolé. Donc voilà, vous constatez tout ça. Arrêtez-moi hein, si vous avez des questions. Vous pouvez faire quelque chose, alors pas grand-chose. Hein, vous n'êtes pas très libre de vos mouvements, mais voilà. Et ils font quoi tous ces fantômes? Ils se baladent, ils nous regardent. Ouais, moi je te dis, il y en a certains qui vous regardent, d'autres qui vaquent simplement à des occupations qui te sont complètement étrangères. Ils vont et ils viennent comme n'importe qui. C'est ça. Mais il y en a, voilà, il y en a un paquet. Hein. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Alors ça, c'est difficile à dire. Probablement la plupart quand même, parce que les gars. Des gens qui sont morts. On est dans le sixième sens. Ah bah là, vous êtes... ouais, c'est même sixième sens plus, là, parce que... il manque Bruce Willis, mais on va peut-être... Vous envoyez beaucoup. Et quand on se regarde les uns les autres, on n'a pas de vision un peu étrange comme ces histoires de fantômes ou de geist Vous voyez le geist de chacun des autres. Vous pouvez le voir, alors il faut peut-être un petit peu vous concentrer, mais vous pouvez le voir, et vous voyez surtout, enfin, quand vous les voyez, vous voyez cette espèce de lien plasmique entre le geist et son sin eater, puisque vous êtes maintenant des sin eaters. Ah, et les autres fantômes n'ont pas ces liens-là, donc? Non, pas ceux que vous voyez, non. Mmh. D'accord, ok. Et donc on est vivant là. Vous êtes totalement et complètement vivant. Vous êtes revenu à la vie. On ressent des choses, genre la douleur là. On ressent la douleur là. Ah, complètement, oui. Vous étiez mort. On est revenu à la vie, d'accord. Vous étiez mort et vous êtes revenu à la vie, c'est extrêmement clair pour vous. Vous n'êtes pas tellement des fantômes, en fait. Okay. Ah, vous n'êtes pas du tout des fantômes. Ouais, ok. Vous étiez mort, vous êtes revenu à la vie, mais vous êtes lié à un fantôme. Mais on a accès à ce truc, à ce monde-là. Okay. Ah, vous êtes lié à un geist. D'accord. Et effectivement, du coup, ça vous a... Et donc, par exemple, si je prends un... Excuse-moi, si je prends un cas pratique, si j'utilise mon pouvoir de fantasme... Ouais. Qui me permet de... Je peux incarner mon geist ou... Alors, fantasme, c'est une clé. Oui, pardon, ouais, mais c'est... Attends, faut que je retrouve la fiche. Et donc, c'est marionnette. Qui me permet... Ouais, marionnette, voilà, qui me permet donc de me projeter dans mon geist. C'est ça. Donc, je pourrais prendre la place de Tyler. C'est ça. Pour faire des trucs cool. Ok, ok. Je peux l'utiliser maintenant, là ? Non, là, t'y arrives pas. Ok. Vous êtes vraiment trop... Là, vous êtes... Enfin, considérez que vous êtes à une case de la mort, quoi, globalement. D'accord. Elle a pas balancé un sort de résurrect de prêtre niveau 70. Elle a juste réussi à faire venir la vie. Et c'est déjà pas mal. Okay. C'est plutôt sympa de sa part. Elle était pas obligée. Ça lui fait plaisir. Donc, les secouristes finissent de s'occuper de vous. Enfin, voilà. Ceux qui ont vraiment des plaies vous font des bandages un petit peu mieux. Ils se demandent ce qu'ils vont faire, d'ailleurs, des liens de bondage. En tout cas, voilà, vous soignent au mieux. J'ai une idée à leur soumettre. Ils vous précisent d'ailleurs hein, que vous pouvez vraiment remercier la jeune femme qui est juste à l'extérieur. Enfin, voilà, qu'on peut apercevoir encore quelques secondes avant que la tente finisse d'être montée. Mm-hmm. Voilà, elle vous a strictement sauvé la vie à tous les quatre d'affilée en quelques minutes. C'est prodigieux. Et donc, finalement... Miraculeux. Presque miraculeux. Et donc, enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, c'est bien elle qui vous a sauvé la vie. C'est pas le... Enfin, c'est pas de la magie, c'est pas votre lien avec votre geist, etc. Mais elle nous a sauvé, c'est une humaine, elle nous a fait du... C'est parce que vous êtes revenu à la vie que le lien puisse faire. Du bouche à bouche. Oui, non, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas laquelle vous a sauvé la vie qui m'embête, c'est qu'est-ce qu'elle foutait là. Ah, ça, il y a Lister pour peut-être vous le dire. Donc, Karl finit par, demander aux secouristes de se barrer, en gros. Alors, ça paraît un peu étrange, parce qu'il a un peu rien à foutre là, il n'a pas franchement l'intérêt d'un secouriste, c'est probablement pas leur chef, mais les mecs s'exécutent. Et donc, voilà, vous êtes seul maintenant dans la tente avec Karl, du coup, qui se retourne vers vous, et qui secoue la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi croyez-vous que je vous ai filé mon numéro de téléphone? Pour les vœux du Nouvel An? Vous ne me prévenez pas de l'avancée de l'enquête? Vous ne me dites même pas que vous êtes dans un endroit suspecté d'appartenir à notre ennemi. Vous vouliez mourir. Non, je... On est mort, hein, figurez-vous. Ouais, vous m'auriez prévenu, j'aurais pu prévoir une équipe, peut-être pas, si vous saviez pas qu'il était là, enfin, je sais pas, d'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi un peu. Moi, j'avais prévenu dès le début que ça puait, hein, comme truc. Non, mais je vous dis, hein, on s'est fait attaquer par Gordon et on est mort. Oh, des statues. Et pourquoi vous êtes rentré dans cet entrepôt? On mène l'enquête, on fait notre job, on fait juste notre boulot. Il vous paraissait pas avoir une bonne chance que votre ennemi soit dans cet entrepôt. Et on aurait dû vous prévenir du coup. Oui, j'aurais pu. On savait pas, fallait nous dire toutes les heures, on vous prévient. Toutes les heures, pas forcément, mais je vous avais donné mon numéro de téléphone, vous deviez me prévenir de chaque avancée de l'enquête. Vous m'avez rien dit du tout. C'est vrai. Je crois que c'était Elise qui était responsable de ça, hein, de vous appeler. Ah, Elise. Tu parles, ouais. Avant de rentrer dans l'entrepôt, on savait pas si on allait avancer dans l'enquête ou pas. Ouais, bon, bref. C'est ça. Oui, à ce moment-là, on n'avait aucune donnée. Hein. Il y avait même personne dans l'entrepôt quand on est rentré. Et une fois dans l'entrepôt, on n'a pas pu vous prévenir, puisqu'on est mort. Ouais, bon, bref, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Mais bon. Bah oui, c'est trop tard. Mais bon, enfin, voilà, vous auriez dû me prévenir. J'aurais pu essayer de monter une équipe pour vous soutenir, ou au moins en backup proche et qui serait venu vous aider au moindre signe suspect. Bon, bref, c'est pas des paroles en l'air, les gars. J'étais vraiment là pour vous, quoi. Maintenant que vous avez été. Je vais rien dire. Maintenant que vous avez été confronté au surnaturel, on va pas y aller par quatre chemins. Et donc là, il sort un espèce de sac à dos, en fait, et il commence à sortir des choses. Il sort un bol assez grand qui pose au sol, des bougies autour. Il se met à chanter, une espèce de chant sourd. Il sort carrément une espèce de boîte de tupperware en plastique avec des trous, un poulet, avec une espèce de... de masque, de bonnet sur la tête, qui lui enlève et il sort un couteau et tranche la gorge. Dans la tente, il fait ça dans la tente devant nous. Direct. Ouais, tout à fait ça, tout à fait. Il fait ça dans la tente. Mais il n'y a plus personne, de toute façon, il les a tous virés là. Oui, il a tous virés, il n'y a que vous quatre et lui. On voit encore des fantômes dans le coin là. Alors, parfois, vous pouvez voir une tête de fantôme qui passe à travers la tente, mais ouais, ça c'est de plus en plus rare et. Pas... À partir du moment où il commence son rituel, vous ne voyez plus de fantômes. Et les guests, ils font quoi? Ils sont autour de vous. Ils réagissent pas non plus à l'espèce de rituel de... Pas spécialement, mais quelque part, c'est à vous de me le dire. En fait, maintenant, c'est vous qui les jouez. Ça devient aussi vos personnages. Alors, on joue aussi ces personnages-là. Ouais. Ah, d'accord. Bah... On est d'accord que le mec, il se met à faire de la magie comme ça, tranquillou. Il vient de nous engueuler parce qu'on n'avait pas été prudent et qu'on s'est jeté face à un danger. Et lui, il avait l'air très, très au courant du danger. Et maintenant, il s'amuse à faire des petites espèces de magie au plein milieu de la tente. Alors, pour rappel, il vous a juste demandé de le trouver. Il se fout de la gueule du monde, en fait, le mec. Pas du tout. Pour rappel, il vous a juste demandé de le trouver. Il vous a pas demandé d'aller l'agresser. C'est lui qui nous a agressé, c'est une blague. Il dit pour rien. De l'autre côté, il fait peut-être pas de la magie, hein. Il fait peut-être juste n'importe quoi. On sait pas. C'est juste qu'il avait envie de tuer un poulet en plein milieu. Pour l'instant, il égorge un poulet, c'est tout. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a l'air de croire à la magie. Il a l'air de croire que le mec, il fait de la magie en face. Ah oui, pour le coup. Je veux dire, il a l'air d'y croire dur comme fer, vu qu'il est en train de danser à moitié à poil avec son poulet égorgé. Il est pas nu. Pourquoi tu veux mettre tous les gens nus? Donc, il y a un moment. Tu lui poses des questions? Vous lui parlez ou pas? Parce que vous pouvez lui poser des questions. Je parle pas aux gens nus avec un poulet égorgé la main. Mais vous êtes malade, moi je l'engueule. Je lui demande, c'est quoi ce rituel? Qu'est-ce que vous faites? Et comment vous savez qu'il y avait du surnaturel? Les hommes qui se font oublier dès qu'on les regarde pas, vous en connaissez beaucoup, vous. Ça vous paraît pas surnaturel, ça? Si, mais là, les gorger un poulet, c'est bizarre quand même, non? C'est dans les films, ça. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche pour moi. Mais qu'est-ce que vous faites là, en fait, exactement? Je vais vous soigner. Ah, bah, ok, d'accord. Avec un poulet mort. Avec du sang de poulet. Moi, je suis pas vegan, j'en ai rien à foutre. Après, c'est vous qui voyez. Mais c'est-à-dire qu'est-ce que... Non, mais vas-y, je te fais confiance. Mais il me paraît clair que si je vous avais dit dès le départ que vous aviez affaire à un mage, vous m'auriez rayonné. Donc voilà, forcément, je vous aurais dit. Ouais, est-ce qu'on voit un geist qui est lié à lui? Non. Non, mais si vous saviez que c'était un mec comme ça, pourquoi vous... Enfin, je veux dire, vous nous avez pas fait suivre, vous avez pas... Enfin, je veux dire, c'est juste... Je vous ai tout expliqué. On est bien d'accord qu'on a juste servi d'appât pour eux? Pas du tout. On avait besoin de vous parce que vous étiez les seuls à pouvoir le reconnaître. Uh-huh. Et on ne vous a pas fait suivre parce qu'on se doutait, alors on ne connaissait pas notre ennemi, mais on se doutait qu'il surveillait nos agissements, puisqu'il savait ce qu'on faisait à l'aéroport, il savait, et je peux vous assurer que M. Kunz n'a pas pour habitude d'être très volubile et d'être particulièrement discret dans ses affaires, donc c'est étrange qu'il ait su ce qu'on faisait à l'aéroport, donc ça nous paraît clair qu'on est très surveillé, c'est pour ça que je ne pouvais pas vous faire directement suivre par des hommes à nous, et aussi parce que des hommes à nous, on en avait moins après l'histoire de l'aéroport. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué quand on vous a embauché, d'ailleurs, ou Monsieur Kunz. Ok, bon, faites votre rituel. Hein. Il continue, hein, il fait ses petites préparations, il brûle les herbes. Pendant ce temps-là, Tyler, du coup, t'as dit qu'on pouvait jouer le geist? Oui, dans une certaine mesure, oui. Après, les geists, ils vous sont liés, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se balader à 200 mètres, etc. D'accord, mais ils peuvent sortir de la tente. C'est difficile. Ah bon, d'accord. Et alors, est-ce que je remarque, ou est-ce qu'on peut remarquer, est-ce que Carl est lié à un geist, lui, ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. On pourrait le voir, si c'était le cas, on pourrait le voir. Complètement. Ok. C'est encore un peu flou pour toi tout ça, hein, mais... Oui, d'accord. En tout cas, tu vois clairement les geists des autres, donc tu vois pas pourquoi tu pourrais pas voir le sien. Tu n'as pas connaissance de toutes ces histoires. Hein. Je vais découvrir, ok. Donc voilà, il brûle quelques herbes, enfin, il prépare une espèce de truc, le bol se met à bouillonner, c'est une espèce de mixture pas l'air très ragoûtante, hein. Et donc il finit par saisir le bol, se rapprocher de chacun de vous pour vous demander d'en boire une gorgée. D'accord, allez hop, c'est parti. J'accepte, moi aussi. Tout le monde s'exécute. Oh, ben j'y vais, oui. Ouais. De plus ou moins bonne grâce. Non, c'est pas une question de bonne grâce, c'est une question de... Je vois pas trop ce que boire un bouillon de poule va soigner, mais bon, voilà, c'est plus ça. Un bouillon de sang poule. Ça peut pas te faire plus de mal que ce que t'as déjà eu. De toute façon, on est mort déjà une première fois, donc après tout. Ouais. Ta grand-mère, t'as jamais fait un bouillon de poule quand t'étais malade? Si. Ah, alors tu vois que ça soigne. Si, mais ça me soignait pas une journée. Ouais, mais là, c'est un putain de bouillon de poule magique. Très rapidement, quand vous buvez cette mixture, vos yeux se révulsent et vous partez dans des visions. Je vais d'ailleurs vous demander, les uns après les autres, de rester avec moi. Donc, nous allons commencer par Harvey. Donc, je vais demander à tous les autres de partir dans le canal général, par exemple. Ah. Harvey, tu as une nouvelle vision. La forme masculine indistincte revient. Donc tu reconnais l'homme que tu as vu lors de ta mort et te montre Joe Thyssen que tu vois agripper une jeune femme. Donc Joe Thyssen, hein, c'est le tueur en série, tu te rappelles? Ah voilà, oui. Il la force à le suivre vers sa camionnette. Tu surgis à ce moment-là et tu lui tires une balle dans le genou, le mettant à terre et sauvant la jeune femme. Donc l'homme te parle. Tu as du cran. Tu as navigué longtemps en marge de l'équation, mais elle n'a pas de contrôle sur son pouvoir. Elle n'a d'ailleurs aucune idée de son existence. Comment le contrôlerait-elle? Néanmoins, c'est l'inverse de la foudre. Et quand il tombe à un endroit, il retombe plus facilement au même endroit. Tu as ce qu'il faut pour l'aider. Tu fais partie de l'équation dorénavant. Et donc, tu te réveilles à ce moment-là. Tu peux te soigner. Et tu vas me chercher Élise, s'il te plaît. Hello. Donc, tu es soudain pris d'une nouvelle vision. De nausée, parce que le bouillon de sang de poulet, c'est quand même nouveau. Eh ben non, figure-toi que ça non, je suis pas particulièrement de nausée. Il n'y a pas de goût particulier. L'effet est assez rapide pour, de toute façon, occulter toute forme de goût. Donc, la forme masculine que tu as vue à ta mort et à ta première vision est de retour. Elle s'approche d'une camionnette garée dans une ruelle. Tu vois un homme agripper une jeune femme près de la ruelle. Il la force à le suivre vers la camionnette. La jeune femme, tu la reconnais, c'est ta sœur. Un autre homme surgit à ce moment-là, Harvey, et lui tire une balle dans le genou, le mettant à terre et sauvant la jeune femme. Il s'en est fallu de peu. Heureusement, il est intervenu à temps, même si lui aussi est entré dans la spirale après cela, comme elle. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Ici, c'est l'inverse. Et quand l'un d'entre vous est impliqué une fois, la probabilité qu'il soit à nouveau impliqué grandit. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais nous avons besoin de votre aide. Nous n'avons pas d'autre alternative. Et tu te réveilles entièrement soigné. Ok. Tu peux aller me chercher Nikki. Allô. Alors, donc, tu bois ce bouillon et tu es rapidement pris de vision. Comme la première vision et comme la fois où tu es mort, tu revois la même forme masculine noire en même tenue de pantalon de toile. Oui. Donc, cette forme est près de toi. Elle te montre donc Lucie, Looney, hein, la jeune femme qui travaille parfois dans ton hôtel. Tu la vois travailler. Elle semble en fait jouer les dominatrices et maltraiter des gens qui ne demandent que ça. Ok. Et donc l'homme te parle. Tu as un bon fond et tu la traites bien. Nous avons besoin de cette gentillesse en toi. Nous avons besoin que tu nous aides. Nous avons besoin de t'impliquer plus. Nous ne te souhaitons aucun mal, mais nous n'avons pas le choix. Il faudrait les rapprocher, lui faire comprendre qu'elle a besoin de lui. Oula. Et tu te réveilles entièrement soigné. Okay. Et tu vas aller me chercher Alistair, s'il te plaît. Okay. Oui. Donc tu bois cette mixture et tu es assez rapidement pris de... Je me la fais couler dans la gorge, plus exactement, parce que je suis pas certain que je suis en grand état. ça passe, ça coule, ça suit le bon canal, c'est bon. T'arrives à ne pas respirer à ce moment-là, en tout cas. Et donc, assez rapidement, tu es pris de vision. Tu vois Lucie qui se balade sans but, l'air un peu morose. Et elle te percute presque à un croisement de rue complètement par hasard. Immédiatement, vos visages à tous les deux s'animent et des sourires percent le masque. Et là, tu vois la forme masculine, hein, le noir que tu as déjà vu lors de ta première vision et lors de ta mort, hein, qui est sur le côté en fait, qui te parle. Tu sais faire preuve de compassion, de gentillesse. Nous avons besoin de ça, bien sûr, mais nous avons besoin de bien plus. Nous avons besoin de toi. Et à ce moment-là, tu te réveilles et tu es entièrement soigné. Non, Dieu. Et tu peux, s'il te plaît, aller chercher tout le monde. On est reparti. Bon. Alors, vous vous réveillez tous. Il y a Karl qui est présent. Vous pouvez discuter entre vous si vous souhaitez. Bah, je palpe mon corps. Je regarde les autres. Dans quel état ils sont? Moi, je leur demande si tout le monde voit l'Indien à moitié à poil, là. Avec une coupe iroquoise qui est dans la tente. Bah oui. Bah oui. Ah, tu vois même que c'est le gayiste d'Alistair. Donc, tu connais Alistair? Qui? L'Indien iroquois, là? Oui. Vous avez l'air de vous connaître? Bah oui. C'est qui? Bah, il le connaît pas plus que ton propre gay, que toi, ton propre gayiste. Oui. Bah, moi, j'avais des cartes, trading cartes, où il y avait mon gayiste dessus, donc je m'en souviens. Non, je sais pas, j'invente. Des cartes de baseball? C'est un joueur de baseball, il y a potentiellement des cartes avec lui dessus. Je demande à Harvey et aux autres qu'est-ce qui s'est passé. On est vraiment mort, non? Tout à fait. Bah, j'ai bien cette impression-là, oui. Je vois pas comment on aurait pu s'en sortir. Mais vous vous souvenez, du coup, de votre rencontre cette sorte de paradis où on était ou... Je crois qu'on était bien loin du paradis, mais une chose est sûre, c'est qu'on était peut-être plus dans le monde réel, enfin, dans le monde physique. Et qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces fantômes-là? Ils auraient besoin de nous pour quelque chose? C'est ce qu'ils ont laissé entendre, en tout cas, dans ma vision. Alors, en gros, vos propres ghosts vous disent qu'eux, ils ont passé un pacte avec vous, ils ne connaissent pas l'autre esprit. Ils vous disent que c'est... ils peuvent vous dire que c'est manifestement un fantôme, lui aussi. Après, lui, en gros, les a rejoints et les... Comment dire, leur a présenté l'opportunité de se lier à vous. Donc, pour eux, c'est une espèce de transcendance, hein, de leur propre existence. Mais au-delà de ça, ils ne savent pas du tout qui il est. Ils ne l'ont jamais rencontré avant. Et voilà. Okay. Et eux, en tout cas, eux n'ont pas spécialement d'autres buts au-delà du fait de découvrir ce qu'ils sont devenus avec vous et de savoir ce que vous pouvez faire, etc. Mais ils n'ont pas de... D'accord. Ah ouais, ils n'ont pas de... Ils ont accepté le deal de se lier plus ou moins avec nous, mais... Mais ce n'est pas lié avec la demande de ce mec-là. Ils ne savent pas du tout ce que ce mec-là vous veut. Enfin, c'est pas lié. Si, manifestement, c'est lié, parce que s'il vous demandait pas quelque chose, il leur aurait pas proposé à eux de se faire ce deal, mais pour autant, ils en savent pas plus, quoi. Mm-hmm. Et eux, ils ont accepté comme ça, genre sans rien, quoi. Bah, on sait pas. Bah, eux, c'est un changement d'état aussi. Pour eux, c'est une élévation quelque part. Ça leur permet d'interagir avec le monde des vivants grâce à vous. Enfin, voilà, ça leur permet tout un tas de choses qui ne savaient pas faire avant. Uh-huh. C'est presque une nouvelle existence pour eux, quoi. C'est presque une renaissance. Oh, ils veulent nous voler le corps. Pas... Avec ses contraintes et avec ses avantages, mais voilà. En fait, on est possédé. Il va falloir nous exorciser. Non, peut-être pas. Non, on sait pas. Ils sont peut-être sympathiques. Ta mère suce des bites en enfer. Ah, mais si le tien dit ça. Ah, bah non, ils sont plus sympathiques. Et cette fille là qui nous a sauvés, vous la connaissez? Parce que moi, je la connais. Elle travaille chez moi souvent. Enfin, jamais vu, moi. Quoi qui c'est? Oui, c'est une amie d'enfance. Je sais pas ce qu'elle foutait ici. Une amie d'enfance? Ah oui? Ouais. Ah oui? Quelle coïncidence, Alistair. Et oui, c'est assez étrange, effectivement. Et tu, qu'est-ce qu'elle fait là, ici, à ton avis, ce soir? Ça, j'en sais rien. Ça, on a toujours eu tendance à se rencontrer un petit peu comme ça au détour des chemins. Mais tu la connais bien, tu sais ce qu'elle fait dans la vie? Là, ces derniers temps, non, je sais pas ce qu'elle fait. D'accord. Élise, je vais te demander un jet de mémoire, à savoir intelligence plus calme. Ah bah c'est foutu. C'est ça. Non, j'ai plein de dés, regarde. Ouais, voilà. C'est un gros succès. Ah bah c'est foutu, en fait. Ok. Non, mais je viens de me faire tirer dessus, c'est peut-être pas le bon moment pour... Hein, non, mais là, on est en pleine forme, là. Oui, parce qu'on a bu du bouillon de poulet d'un mec qui a fait un truc bizarre avec. Je veux dire, il y a peut-être que Élise est un peu perturbée. Il est quelle heure, là? C'est le soir, hein? C'est la nuit? Ah ouais, c'est carrément la nuit, ouais. Élise, du coup, le prénom, à force d'être répété, te dit quelque chose, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Non, ça me dit rien. Si seulement t'avais un background. C'est le background de l'ancien Élise, celui qui est pas ressuscité. Donc Karl, en tout cas, est assis près de vous et était en train de lire un bouquin. Et du coup, quand vous avez commencé à discuter, le pose des côtés et vous écoute de manière assez intense, assez assidue. Tu lui dis, c'est miraculeux son bouillon de poule, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait ça? Disons que c'est mon papa qui m'a donné quelques facultés. Je suis l'enfant d'un dieu, ça ouvre des portes. Pardon ? D'accord, je pouffe de rire. Qu'est-ce que je fous là ? Je suis pas sûr qu'on soit pas toujours mort, en fait. Ça se trouve, c'est juste une grosse illusion, là. Je pense qu'il y avait de la drogue dans le bouillon de poule. Et je lui dis, pardon, monsieur le fils de Dieu, est-ce que vous connaissez Lucie ? Attention, j'ai pas dit fils de Dieu, hein, j'ai dit fils d'un Dieu. Ah oui, pardon, il y en a plusieurs. Lucie, non, c'est la jeune femme qui vous a sauvé, c'est ça ? Ah oui, vous la connaissez donc ? Non, j'ai juste entendu son nom par les secouristes. Hein. Vous pouvez la remercier, je pense, mais non, je la connais pas plus que ça. Non. Elle a donné son nom aux secouristes ? D'accord. Enfin, je la connais même pas du tout. Je pense qu'elle était là sur les lieux, c'est quand même bizarre hein, qu'elle soit là par hasard. Ah ouais, ça après, je sais pas, il y a des passants quoi. Je pense qu'elle t'a vu toi en premier en l'occurrence. Mais qui nous a toutes. C'est Wonder Woman, elle nous a tous sauvés, tous les quatre. C'est clair que ce qu'elle a fait, je pense que peu de personnes auraient pu le faire. Et là, vous voyez qu'il. D'ailleurs, il tique un peu en fait. Il regarde vers la sortie de la tente, il sentait un peu hésitant, puis. Bon, il hausse un peu les épaules. Non, mais c'est vrai que c'est quand même un gros coup de bol qu'elle soit là et qu'elle puisse s'occuper de nous comme ça, etc. etc. Bon, bah moi, je la connais, hein, j'ai une piste pour la retrouver, si vous voulez. Hein. Donc, si... Alistair vous a fourni un élément de réponse, en tout cas. En plus, Alistair, c'est son ami d'enfance qui la rencontre par hasard. Moi, Alistair, je te propose de la retrouver, d'essayer de la retrouver. Non, c'est son ami d'enfance qui la rencontre toujours par hasard. Bah, ils sont liés, quoi. C'est son âme sœur. Oui, c'est clair. Bref. Elle fait des trucs chelous. chelou, hein, je te préviens. Alistair, prépare-toi à découvrir la vraie Lucie. En plus de sauver les gens ? Ah ouais, ouais, c'est une vraie Wonder Woman. Elle manie le fouet, et comme personne. C'est-à-dire ? Ouais, bah, je vous en parlerai plus tard. Mais si vous, donc, si vous voulez qu'on la retrouve, j'ai son numéro de téléphone, n'est-ce pas ? En l'occurrence, je crois que t'es au courant, Lister. Ah ! Oui, elle me l'avait dit ou pas ? Je sais plus si elle m'avait dit qu'elle était dominatrix. Si, si, je crois que c'est dans ton, je crois que c'est dans ton background. Hein. Ah oui ? Bon, bah voilà. C'est ça, et bah, elle se prostitue en tant que dominatrice. Oui, voilà. C'est, plus, c'est pas de la prostitution. C'est une call girl, voilà. Mais bon, voilà, donc je la connais. Donc, bref, dit Karl, maintenant que vous êtes en pleine possession de vos moyens, d'ailleurs, vous pouvez vous relever, etc. Enfin, là, ouais, complètement à bloc, hein, en pleine forme. Maintenant que vous avez été confronté au surnaturel, hein, je ne vais plus prendre de gants avec vous. Et du coup, je vais vous proposer de travailler plus longuement pour Gbedia et moi dans une certaine mesure. Mais si vous avez foiré la mission, vous avez résisté à un puissage. On n'a pas vraiment résisté. On n'a pas vraiment foiré. On n'a pas foiré non plus, est-ce que ça veut dire ça ? Oui, mais... Vous avez... bah, si, je considère que vous avez foiré. Après, vous êtes encore vivant. Mais puisqu'on vous dit qu'on est mort... Vous comprenez ça ? On est bien mort, en fait. On est revenu à la vie, là. Vous connaissez ce phénomène ? Oui, oui, c'est pas la première fois que ça arrive. Ah, d'accord. Oui, vous avez jamais entendu parler de gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Mais qui voient des fantômes après et tout ? Oui, mais là, c'est qu'on est revenu. Non, non, non, tu te souviens pas ? On en a fait toute une religion il y a 2000 ans. Vous voyez des fantômes ? Si je vous dis que je vois des fantômes, qu'est-ce que ça, vous êtes surpris ? Surpris, oui. D'accord. Bah non, rien alors. Non, bah non, non, moi j'ai des hallucinations, depuis, mais c'est à cause de la chute, hein, je pense. Genre par exemple, il y en a un bien tout nu à côté de vous, là. Et les autres, dit-il, en se tournant vers Alistair, vers Harvey et vers Ellis, voyez-vous également des fantômes ? De quoi ? Bah oui, je vois des gens qui sont morts tout le temps. Ah bah oui, clairement, oui. Effectivement, vous balancez, quoi. C'est extrêmement intéressant. Il me paraît d'autant plus clair que nous devons continuer à travailler ensemble. D'accord, mais c'est nous qui imposons les conditions, là. Vu qu'on est extrêmement spéciaux maintenant, on voit des fantômes et tout. Nous verrons ça, mais en tout cas, ce que je peux dire, moi, c'est que je pense qu'il faut finir le travail, parce que maintenant, nous sommes tous en danger. Il sait qu'il est traqué. Tôt ou tard, il saura que vous n'êtes pas mort, il voudra finir le travail, je pense. Maintenant, c'est lui qui a l'avantage. Il va falloir que nous agissions vite et que nous sortions les bons moyens, je pense. Qu'en pensez-vous ? J'avoue que notre expérience dans la matière, ça s'étend à quelques heures, quoi. Donc on va vous faire confiance sur ce coup-là. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Oui. Vous pourriez refuser, essayer de fuir, mais je pense sincèrement que tôt ou tard, il vous retrouvera. Il saura que vous n'êtes pas mort et il vous retrouvera. Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux prendre les devants. D'accord. Même si nous ne sommes pas à notre avantage, puisqu'il sait qu'il est traqué, probablement a-t-il deviné que c'était par Gbedia. Vous ne pensez pas qu'il nous faudrait un magicien dans l'équipe alors ? Parce que lui, il fait de la magie, et comme vous faites de la magie, vous aussi ? Alors, ce n'est pas tout à fait la même sorte de magie. Lui, c'est un mage. Moi, je suis... Ah oui, vous êtes boucher charcutier. Je suis ce qu'on appelle un sion. Un sion ? Un sion. J'ai été enfanté par un loa. Est-ce que ça vous parle ? Ah, d'accord. Oui, déjà, j'en ai entendu parler. Il y a même des avocats. Ce sont les déités vaudous originaires d'Afrique et des îles. Enfanté par un loa, d'accord. Bref, sachez que j'ai effectivement quelques capacités, surtout tournées vers la mort, ce qui ne fait pas forcément de moi un combattant... Très puissant, mais bon, à nous tous. Mais donc la prochaine fois qu'on retrouve ce Gordon, on vous appelle avant, et comme ça vous venez nous filer un coup de main. Oui, enfin, après j'avoue que j'ai pas spécialement d'idée de comment le trouver maintenant qu'on a... Non mais on va le trouver, faites-nous confiance. On a, comment dirais-je, ça m'étonnerait qu'il revienne ici de sitôt, il sait que c'est cette planque est compromise. Donc je ne sais pas trop comment le retrouver. En tout cas, ce que je vous propose, c'est d'unir nos forces cette fois, et je pense que la discrétion n'est plus de mise. Okay. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Oui. Jusqu'à quel point ? Et c'est-à-dire que nous nous pensions surveiller, et ben, tant pis, il va falloir... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas de plan là à vous proposer. Il faut déjà réussir à le trouver, ou alors il faut peut-être lui tendre un piège, je ne sais pas. Si vous avez des idées, vous, je suis tout à fait preneur. Bah, vous savez ce qu'il recherche ? Il va me chercher moi, il va chercher Gbedia et il va nous tuer. Ok, il va chercher la grosse mallette. Oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Bah, si vous avez quelque chose qui veut absolument, vous pouvez vous en servir comme appât, non ? Oui, c'est ce que je disais, on peut essayer de tendre un piège. On peut lui proposer un échange ? Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Ça ne sera pas possible. Jebedia ne voudra pas. Il rigole un peu. Non, mais c'est un piège, sous forme de piège. On essaye de le rencontrer, lui proposer un deal, quoi. N'est pas un échange qui sera crédible. Gordon, celui que vous avez nommé Gordon, sait très bien que Jebedia ne proposera pas l'échange. Bon, ok. Non, on va essayer de le retrouver. On n'est pas... Non, mais il faut faire croire qu'on va déplacer la caisse autrement sur un autre truc. Et puis, quand il attaquera, c'est à ce moment-là que... Plus j'en sais rien. De toute façon, on fait n'importe quoi depuis le début. Donc, oui, on peut... Peut-être que là, oui, non, je sais pas. On pourrait avoir une arme à feu pour lui tirer dans le dos. Hein. Ah oui, on peut avoir de l'équipement, peut-être. Oui, on peut arranger ça assez facilement. Oui. Non, parce que lui, il avait l'air assez équipé, hein, vu que je ressemble maintenant à une passoire et que quand je baille, on voit le jour. T'es guéri, là. Il n'y a plus de troule. D'ailleurs, tout ce que vous pourrez me dire sur la confrontation nous sera peut-être utile. Il manipule des statues. En métal. Il m'a provoqué une crise cardiaque, rien qu'en me regardant. Intéressant. Il m'a vidé un chargeur dessus. Bon, ça paraît pas spécialement de la magie. Non, mais ça veut dire qu'il compte pas seulement sur sa magie. Tu te souviens, enfin, vous vous souvenez peut-être, c'est que le pistolet, il lui a paru dans les mains. Enfin, il l'a fabriqué à partir de rien, quoi. Pièce par pièce. Nep, je me souviens pas. Donc, est-ce que c'était un vrai pistolet ou est-ce que c'était juste une vision de l'esprit? Ah, un pistolet magique. Je suis pas un expert en magie, mais manipulé, il sait manipuler la vie et la matière. Je ne sais pas si ça nous sera utile, mais bon, c'est savoir ce qu'il peut nous faire, c'est toujours pas mal. Ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est de savoir ce que vous pouvez faire maintenant. Est-ce que votre nouvel état vous permet juste de voir les fantômes, ce qui paraît pas super top, si je peux me permettre? Est-ce que vous pouvez faire autre chose? Oui, on peut partir si vous voulez, s'il n'y a que ça. Ben, on n'en sait trop rien, en fait. Alors, en l'occurrence, vous avez une espèce de connaissance innée, alors pas précisément de ce que vous savez faire, mais vous savez que vous pouvez faire des choses. Et un peu comment les déclencher, quoi. Et d'ailleurs, enfin, c'est même un peu les geistes qui vous murmurent à l'oreille, qui peuvent vous guider sur ce que vous pouvez faire. Bah moi, j'ai envie de rentrer à mon hôtel, hein. Et justement, essayer de retrouver Lucie. Enfin, c'est la seule piste que je vois là. Ouais, je sais pas, je suis secoué et je vois plein de trucs bizarres, donc je ne sais pas si je peux faire d'autres choses. Peut-être qu'il me faut, il faut du temps. Faites tous un jet de mémoire. On s'embête à faire des résumés en début de partie. Retenez pas, c'est triste. Ah. C'est quoi mémoire? Intelligence plus calme. On m'oublie. La mémoire, c'est décidément pas mon truc. Refais un jet pour savoir si tu te rappelles de comment tu t'appelles. Fiche. Moi, sur KD, je fais 4 succès. Hein. Donc, tous sauf Elis, vous vous souvenez que vous aviez trouvé une enveloppe avec une adresse dans le hangar, dans l'entrepôt. Ah, je ne me souvenais plus du tout. C'est là que vous aviez trouvé son nom, d'ailleurs, je pense. Imo, oui. Donc, Karl réfléchit un peu de son côté. Vous lui dites ou pas, du coup? Je vous dites rien, je considère qu'il ne le sait pas. La seule option qui nous reste est donc de lui tendre un piège. Il risque de se méfier. Mais au moins, il ne s'attendra pas à votre présence. Ben non, puisqu'on est mort. Pour lui, on est mort. Il est tout fait pour. Et il faut qu'on fasse tout pour que ça reste comme ça, au moins quelques temps. Il me paraît plus judicieux de retourner chez vous pour l'instant. Il pourrait surveiller les environs. Chez nous, où? Ah, chez vous. Ah oui, parce que sinon, moi, j'ai une expo à mener à l'autre bout du pays, hein. Pas de souci. Oui. Non, mais moi, j'ai vraiment envie de rentrer à mon hôtel, hein, voir à tout le monde, essayer de mener la piste de Lucie, hein, pour l'instant, quoi. Mais on reste en contact, Karl. C'est une bouffe. Je ne peux pas vous forcer... Enfin, si, je pourrais peut-être, mais je ne souhaite pas vous forcer à participer à ce plan. Donc, pas de souci. Ah, mais c'est urgent, c'est-à-dire que c'est pour tout de suite? Je pense qu'il va rapidement réagir. Après, je n'en sais rien. Dans ce cas, si vous nous dites que c'est tout de suite, on peut s'arranger. En tout cas, on peut prendre des mesures pour brouiller les pistes rapidement. Jebedia ne va pas rester là où il est censé être. Après, encore une fois, la discussion est ouverte. Hein. Je n'ai pas forcément plus d'idées que vous. Jebedia, il serait d'accord pour tendre un piège? Si on n'a pas d'autre option, sans doute. Genre rendre public sa présence et espérer qu'il y ait une attaque? Par exemple. C'est un petit peu couillu, parce qu'on sait de quoi il est capable, lui. Oui, on ne sait pas vraiment de quoi est capable l'autre. Non, il faudrait essayer. Moi, je propose qu'il faut d'abord essayer de le retrouver comme ça en enquêtant. Je suis assez d'accord. Ouais. Mais quelle piste aurions-nous? Bah, Lucie, par exemple, peut-être qu'elle travaille pour lui, je sais pas. Si on a trouvé une enveloppe. Bah, elle nous aurait pas sauvés. Bah, peut-être que si, moi, elle nous connaissait visiblement. Donc. Alors, je vois pas bien le rapport entre celle qui vous a sauvé et cet individu, mais... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un lien entre elle et lui ? Je sais pas, mais c'est une des pistes que j'ai, donc je propose. Quelle est cette enveloppe dont vous parlez, Lister ? Je lui parle de l'enveloppe qu'on a trouvée avec un nom, une adresse, a priori. Ah, ça me paraît déjà un petit peu plus solide. Et c'est quoi cette enveloppe ? Une enveloppe qui avait été trouvée à l'étage de l'entrepôt sur un des bureaux. Ok. Qui couvrait toutes les zones de recherche. Je vois pas de quoi vous parlez. Quand vous avez monté l'étage dans l'entrepôt, il y avait une zone, enfin trois espèces de zones de recherche, enfin des zones un peu cheloues, avec au centre en fait une table qui couvrait l'ensemble des trois zones, qui étaient séparées par du verre. Et comment dire ? Et donc sur ce bureau que vous aviez, enfin que au moins l'un d'entre vous avait fouillé, je ne sais plus dire exactement, vous avez trouvé une enveloppe avec le nom de ce fameux mage, manifestement, et une adresse. Mm-hmm. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a de toute façon. Bah, on va à l'adresse, du coup. Donc vous trouvez une adresse à Butler Street, Brooklyn, dans le quartier de Carroll's Garden. Elle était où cette adresse ? Oui, c'est dans le coin. C'est à Brooklyn. On y va. Comme ça, la fleur au fusil. Bah non, mais on peut y aller discrètement. Ouais, on peut prendre de l'équipement aussi. Repérer, quoi. Parce que tu veux faire quoi, en fait ? Tu seras confronté au mec. Tu vas lui dire, hey, t'as essayé de me tuer, t'es pas gentil. Ou sinon, on envoie Karl qui semble... On envoie Karl qui semble tout à fait capable de se démerder. Alors, je vous l'ai dit, hein, je suis pas forcément un gros combattant non plus. Plus que nous, manifestement. Je n'ai pas été confronté à lui pour l'instant. J'ai une certaine forme de résistance. De par mon père, la mort a tendance à m'éviter. Mais... jusqu'à un certain point. Donc, en tout cas, aller à cette adresse paraît effectivement une bonne idée, mais je suis d'accord avec Alice. Je pense qu'il... Ouais, mais on va pas y aller comme ça. Voilà, je suis d'accord avec vous, Alice. Je pense qu'il faut pas se précipiter et préparer le coup. Après tout, si c'est un autre de ses refuges ou... Enfin, en tout cas, s'il s'y trouve, il faudra être préparé. Puis on veut savoir ce qu'on va... Enfin, qu'est-ce qu'on veut en tirer de ce mec-là ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on veut essayer de lui obtenir des réponses ? Est-ce qu'on veut... On va juste lui botter les fesses parce qu'il nous a botté les fesses. C'est pour ça qu'on peut aller voir déjà repérer. Je crois que c'est ça l'idée. En ce qui concerne GBD et moi, j'avoue que je ne sais pas forcément pourquoi il nous recherche, pourquoi il veut prendre... Donc vous aimeriez des réponses, en fait. Il s'interrompt, mais non, pas particulièrement. Manifestement, je pense que vous, il vous recherchait pour... que vous ne puissiez pas remonter jusqu'à lui. Il doit savoir que vous aviez survécu au crash et que vous étiez un serpent dans sa botte. Ah, merci. Non mais là c'est bon, là c'est la fête à la saucisse, hein. On a des capacités qui sont un peu minables, on est des serpents et tout ça, mais c'est quand même à nous d'y aller. Je veux dire, à un moment, il va falloir... Encore une fois, vous avez le choix. Je vous dis juste que j'ai l'intime conviction que s'il vous sait vivant, il vous traquera et vous tuera. Je pense qu'il faut profiter de l'effet de surprise et lui tomber sous le rable maintenant si on peut. Mais encore une fois, c'est à vous de voir, individuellement. Bah allons tous à cette adresse alors, si c'est là qu'il habite. Avec du matos. Bah oui, vous nous donnez des armes, vous venez avec nous à la limite. Ah bien sûr, je ne vous quitte pas. Bah faisons ça là. Ok, du coup, il vous intime de vous lever en fait, il sort de la tente. Vous l'entendez discuter pendant que vous mettez vos affaires en ordre. Et donc, au moment où vous sortez, en fait, vous voyez le camion des secouristes qui... Enfin, un camion, en tout cas, qui se barre. Et les autres qui commencent à démonter la tente, sans poser de questions. Vous ne voyez plus Lucie, Looney, vous ne voyez plus de Bado non plus. Ça fait un certain temps que vous êtes là, manifestement. Là, on est vraiment en plein milieu de la nuit. Il doit être à peu près 1h du mat. Vous ne voyez plus de fantômes non plus, d'ailleurs. Et donc, il vous enjoint à le suivre vers une espèce de gros 4x4. Et vous fait monter dans la voiture, si vous le souhaitez. On voit quand même nos geistes ? Ah, bien sûr, ils vous suivent. De toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement. Et on a nos véhicules, ce qu'on avait laissé ici ? Certainement, oui. Ouais, je vais chercher ma mallette avec mon épée en kit. Il serait temps, peut-être. Ouais, ok. Ok, moi, j'accepte de suivre dans la voiture, du coup. Donc, vous êtes tous installés, il démarre, et il vous dit que vous allez vous rendre à une planque. Ah oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Vous savez manipuler des armes à feu, armes blanches. C'est ce qu'il faut. Bah, moi, je veux bien prendre une arme à feu. Un pistolet, un MP5, un... Un pistolet, oui. Un M16 ? Non, juste un pistolet. Ok. 9 mm. Les autres ? Moi, j'ai ce qu'il me faut. Moi, je vais juste prendre quelques munitions pour compléter, mais j'ai ce qu'il faut. Moi, je vais prendre un flingue au pire. Ok, bon. Il finit par se garer un endroit qui paraît pas plus reconnaissable qu'un autre, un bâtiment avec des habitations. Il vous demande de patienter. Il rentre pendant quelques minutes. Il ressort avec une espèce de grosse valise. Donc il ouvre avec voilà quelques munitions, des pistolets légers. Deux pistolets lourds et quelques couteaux de combat. Ok. Qui veut des caracs du coup d'armes ? Bah, tout le monde, j'imagine. Bah oui. Bah dites-moi ce que vous prenez. Moi, non, je ne sais pas m'en servir donc. J'ai un pistolet 9 mm. Un pistolet, voilà, 9 mm aussi. Donc, c'est un pistolet léger. Donc, c'est dommage plus 1. Oui. Initiative 0. C'est pas tout ce que tu as à savoir, en fait, on s'en fout. Okay. Et Harvey, t'as... Alors, moi, j'ai mon Beretta, une arme de service. Couteau, ça intéresse quelqu'un ou pas ? Oui, on sait jamais. Pour couper le poulet. Il faut sacrifier un poulet. Dommage plus 1, initiative moins 1. Donc, il redémarre. Et donc, vous vous rendez sur Butler Street. Donc, il se gare un gros, deux pâtés de maison avant. Il descend et donc il commence à se diriger vers l'adresse. Donc, en fait, vous approchez et vous apercevez un pavillon avec un petit jardin extérieur avec un portillon pour y accéder. Donc, une maison qui ne dénote pas du tout du quartier, vraiment quartier dortoir, quoi. Mais assez chic, quoi. C'est pas non plus les grosses villas de Beverly Hills, mais ça reste un quartier assez chic avec de belles baraques, jardins entretenus, etc. Ok. Et donc, vous ne voyez pas spécialement de lumière à l'intérieur, tout paraît assez calme. Mais est-ce bien le cas ? Sûrement pas. Nous le saurons lors de deuxième session de Les Accointances Périlleuses. Tu parles d'un nom. T'as pas compris à quoi je faisais référence ? Ah si, évidemment.